Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Dance me, boy, you know it's right. Come and dance me, boy, in the pale moonlight. Heart beats a rhythm now, 1, 2, 3. Come and dance me, boy, won't you dance with me? Come on, boy, just take the chance. Come on, baby, ask me to dance. Step with me, darling, now, 1, 2, 3. Soon you'll be falling in love with me. Let the rhythm whistles right up to the sky. I'll hold you, you hold me. We'll be so happy now, can't you see? Oh, come on, boy, just take the chance. Come on, baby, ask me to dance. Step with me, darling, now, 1, 2, 3. Soon you'll be falling in love with me. Now the fire's gone now, now the party's done, but we're still dancing to the same old song. The sun's coming up now over the tree. I want the night to last forever now that you love me. Oh, come on, boy, just take the chance. Come on, baby, ask me to dance. Step with me, darling, now, 1, 2, 3. Soon you'll be falling in love with me. Come on, boy, just take the chance. Come on, baby, ask me to dance. Step with me, darling, now, 1, 2, 3. Soon you'll be falling in love with me. Hello and welcome, bienvenue dans cette émission spéciale de la croisière folk aujourd'hui. En effet, vous l'avez entendu, on vous a chanté joyeux anniversaire avant cette première chanson. C'est le 5e anniversaire. C'était en 2019, en septembre 2019, qui était posté sur une plateforme qui s'appelle Mixcloud, la toute première émission de la croisière folk. Je vais vous dire tout de suite qu'on a démarré avec Becky Silcock et Dawn Hines avec Fall Night Fire. C'est une chanson qui est un morceau bluegrass à la fois court et doux. Et vous pouvez voir la vidéo de cette chanson sur notre page Facebook La Croisière Folk. Vous avez envie de nous envoyer un petit mot pour nous souhaiter bon anniversaire? Eh bien, La Croisière Folk en un mot, @yahoo.com. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première chanson qui a été diffusée dans cette émission? Eh bien, il s'agit de Molly Tuttle, Take the Journey, extrait de l'album When You're Ready, l'album de 2019. Qui venait de sortir, c'est le 2e album et cette chanson a été coécrite par Molly Tuttle et Sarah Siskind, qui est une autrice-compositrice et qui est une amie de Molly Tuttle. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'en fait c'est un message d'encouragement et d'inspiration. Elle invite les auditeurs et auditrices à entreprendre des quêtes personnelles, peu importe où elles commencent et où elles se terminent. Cette chanson encourage à persévérer malgré les défis en soulignant que même si on ne peut pas contrôler tous les aspects de notre voyage, il est important de continuer à avancer. C'était vraiment le désir depuis le début de l'émission, non seulement de vous faire découvrir des chansons, un style de musique que vous ne connaissiez peut-être pas ou pas très bien, de vous faire découvrir des artistes, mais aussi d'être positif. Et c'est souvent ce qui me revient quand vous m'écrivez que voilà, vous aimez l'émission, elle vous fait du bien, elle vous fait sourire, elle vous fait rire, elle vous fait réfléchir. Et c'était vraiment ça le début. Et je pense que j'ai atteint mon but. Bien sûr, le but n'est jamais atteint. C'est comme une croisière. La croisière, on n'atteint jamais, dans le fond, sa destination. Mais je pense qu'au bout de 5 ans, oui, j'ai fait pas mal d'auditeurs heureux. Allez, on poursuit avec Tania Elisabeth, What You Need. Et Molly Tuttle, on va l'écouter tout de suite. Hein. Et ensuite, il y aura Tania Elisabeth avec What You Need. C'est une chanson qui vous invite, vous, les auditeurs et auditrices, à examiner vos priorités et à réfléchir à l'héritage que vous laisserez aux générations futures. Quel héritage vais-je laisser? Peut-être quelques amoureux du folk en plus. Et juste après, il y aura Alison Krauss en 95, en 95, avec Every Time You Say Goodbye. C'est la 5e année que nous faisons cette émission aujourd'hui. En septembre 2019, on démarrait. Et donc, émission un peu spéciale. Et en plus, ça tombe bien, puisque ça tombe la semaine où notre programmation est 100% féminine. Donc voilà, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. J'espère que ça vous plaît. La Croisière Folk, c'est une page Facebook. Likez-la. Et puis, pour nous envoyer un petit mot, lacroisièrefolk@yahoo.com. Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui.

261e Croisière Folk aujourd'hui. On vous en aura fait découvrir des albums en 5 ans, puisque si vous venez de prendre l'antenne, sachez que nous fêtons le 5e anniversaire de la Croisière Folk. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et dans ce 261e album que l'on vous fait découvrir, c'est Tenny Wren avec Golden Rod. C'est un premier album très attendu. Cette compositrice et chanteuse qui est originaire de l'Est du Tennessee, elle déclare composer une époque, à une période où une multitude de changements semblait remettre en question chaque partie de mon être. Les chansons de Golden Rod explorent ce que signifie avancer dans la vie sans effacer les leçons et les émotions du passé et du présent. Il s'agit de trouver un équilibre entre me connaître et m'accepter pour ce que je suis, tout en gardant de l'espace pour toutes les versions de moi-même qui ont existé et existeront encore. L'imagerie de l'album, largement inspirée par cette saison intermédiaire où l'été cède doucement la place à l'automne, renforce les thèmes universels du changement, de la perte, de la peur, de l'identité et de la résilience abordée dans les morceaux de cet album Golden Rod de Tenny Wren. On écoutera 3 morceaux, caramel, cinnamon, cannelle, ça fait très cuisine, on peut faire un gâteau d'anniversaire, et puis également Passerine. Et dans cette chanson, elle s'adresse à un petit oiseau. Merci d'être là. Happy birthday, c'est le 5e anniversaire de la Croisière Folk aujourd'hui. Of colors that would have shimmered in the sun. Half empty light, you never see it coming, but something has begun. My heart flutters in the breeze, that is your breath, it shakes trees, and all the maple leaves will turn after the sun. After the sun, it's the sugar that burns. Full moon, fall night, I can feel our heartbeats mingle in this whiskey glow. In this waxing light, the feeling's growing clearer. Are you gonna let it show? 'Cause my heart flutters in the breeze, is your breath, it shakes the trees, and all the maple leaves will turn after the sun. After the sun, it's the sugar that burns. All night, and we're dancing slowly. It's unseasonably warm. Moon's shadow light shows a sweet slice. Smile, oh baby, should I be warm? My heart flutters in the breeze. It is your breath, it shakes the trees, and all the maple leaves will turn after the sun. After the sun, it's the sugar that burns. It's the sugar that burns. Isn't true, 'cause he didn't have a clue. passeri passing by, feathers preening and held high. I remember your eyes as bright as embers. Do you hear me warbling out a song, just hoping to belong? Yes, I remember. I am the offender, so I won't soar anymore or be on the wing. Wish I could light up my own heart. Maybe I'd molt up all these things. Ooh. I hover here, facing fear that is sudden, watching as it floods in over images. It's my covert diminishes. So I won't soar anymore or be on the wing. Wish I could light up my own heart. Maybe I'd molt off all these things. Disengaged, why are we rebuilding this cage? So I won't soar anymore, be on the wing. Wish I could light up my own heart. Maybe I'd molt off all these album que l'on découvre, Tenny Rain avec Golden Rod, et on a écouté Caramel, Cinnamon et Passerine. Cette année, eh bien, l'année du 5e anniversaire, on célèbre le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême, poète belge. On diffuse des poèmes qui sont lus d'ailleurs par l'auteur, et je vous propose « Ne cherche pas d'où vient ma voix », un poème qui figure dans le recueil « La Maison Blanche » publié en 1939. Et c'est un des ouvrages notables de Maurice Carême, qui rassemble de nombreux poèmes imprégnés de simplicité et de profondeur qui sont caractéristiques de son style. Ce poème évoque la nature mystérieuse et insaisissable de la voix poétique. Il suggère que la source de l'inspiration est invisible et universelle, tout en soulignant l'éphémérité de la vie et de la poésie. Après, il y aura J.K.L. Je resterai ici, extrait de son album Fragile de 2023, Nolwenn Leroy, Diabolomante, et Sarah Burton, Montana, extrait de son tout nouvel album, Swoonville, USA. Bienvenue, c'est La Croisière Folk que vous écoutez. Ça fait 5 ans que ça dure, et je suis sûr que ça va encore durer au moins encore 5 ans. cherche pas d'où vient ma voix, ni à savoir si elle existe. Tu l'entendras si tu es triste, elle reconnaîtra ta voix. Ne cherche pas où sont mes mains, ni à deviner leur raison. Chaque fois que tu seras bon, elles sauront trouver tes mains. Ne cherche pas où sont mes yeux, ni à dévoiler leur lumière. Ils te voient quand tu es sincère. Ils te regardent dans les yeux. Et ne cherche pas le visage que ton rêve effleure parfois. Quand la mort entrera chez toi, il sera contre ton visage. La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Le ciel scintille, mais toi, tu t'en vas. Le soleil brille, sans toi, je comprends pas. Je reste là, à regarder ton dos. Tu pars au loin, bien trop loin. Pour ma peau. Les nuages passent, mais toi, tu reviens pas. Mon corps se glace, sans toi, je sers à quoi? Je reste là à regarder les oiseaux. Je t'attendrai jour et nuit s'il le faut. Reflète ma folie. Tu me repousses. Tant pis. Je resterai ici. Des pleurs. premières blessures de ton cœur. Les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus. Que tu mentes autour des diabolos mentes quand tu racontes les nuits du dernier été et des tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant dans tes classes. D'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Que tu caches, petite Anne. Plongée sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. I'll be there. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans la minute astuce aujourd'hui, j'ai eu envie de vous donner une petite recette. Parce que si vous mangez un gâteau au chocolat pour fêter un anniversaire et que vous faites une tâche, comment l'enlever? Eh bien, il vous faut du vinaigre et un chiffon. Alors, si le chocolat est encore frais, grattez délicatement l'excès de celui-ci avec le dos d'une cuillère ou d'un couteau émoussé. Attention, veillez à ne pas étaler la tâche. Rincez la tâche de chocolat sous un filet d'eau froide. L'eau froide aidera à solidifier le chocolat. Appliquez du vinaigre ménagé sur la tâche de chocolat et laissez agir pendant quelques minutes. Ensuite, frottez doucement la tâche avant de rincer à l'eau claire. Attention, ne pas utiliser d'eau chaude pour enlever une tâche de chocolat parce que cela pourrait fixer la tâche et puis éviter de frotter comme un fou parce que ça pourrait étendre ou endommager les fibres du tissu. Et c'est une recette que j'ai trouvée sur le site ledroguiste.com. Voilà, on va poursuivre si vous le voulez en musique avec cette programmation du 5e anniversaire. Anabel Santiago avec Agora, Ariane Nadeau chez nous et Jana Mila, Love Let Go. C'est extrait du premier album de cette jeune chanteuse-compositrice qui est originaire d'Amsterdam. Un album que je vous suggère, on le découvrira d'ailleurs dans une prochaine émission. L'album s'appelle Caméléon. Involuntaria, veo lento. qui me reste avant de te voir, loin à percevoir tes cours. Je sais que le moment venu, on s'en va rouler toute la nuit. Deux, trois arrêts pour mettre du gaz, on se rejoint sur le quai à sourire. Y'a toujours des chums qu'on connaît qui avaient la même réservation, qui sortent les guitares et la bière. On va jouer de quoi en attendant que le bateau s'amarre au quai, qu'on rentre tous à la file indienne. À go, on peut décompresser, on va aux îles de la Madeleine. C'est pas de me laver que changer de destination, parce que mon cœur, tout comme ma tête, va encore dans ta direction. Passer du bon temps, et t'es tombé en plein dans le nez. Et quand au loin on aperçoit ce petit bout de terre, cet archipel, et que tout autour l'horizon ne fait plus qu'un avec le ciel. Quand le vent nous fouette le visage, et que l'air salin s'est fait sentir, on sait qu'ici on va pouvoir se créer nos plus beaux souvenirs. Des brunchs avec la gang de filles, des après-midi sur la plage, coucher de soleil sur le bord des caps, faire un petit souper au large, puis un peu en fin de soirée avec les guitares, les violons. Rentrer chez nous au petit matin, on va refaire ça, ce sera pas long. C'est pas de me laver que changer de destination, parce que mon cœur, tout comme ma tête, va encore en ta direction. Passer du bon temps, de te tomber en plein dans le nez. Il y a quelque chose de spécial chez nous, on n'a pas l'air. Savourer les petits bonheurs, de profiter de chaque moment. Je voudrais bien te dire comment faire, mais je suis pas sûre que ça s'apprend. Faut juste nous suivre comme la musique, tu vas voir, on a ça dans le sang. La fin où arrive à grands pas, je sais déjà que je vais m'ennuyer. Des gens qui se regardent dans les yeux, qui ont pas peur de s'entraider, qui arrêtent de prendre de tes nouvelles, même quand ils t'ont vu toute la semaine. T'inquiète pas les îles, je te promets, on se dit à l'année prochaine. C'est pas de me laver que changer de destination, parce que mon cœur, tout comme ma tête, va encore dans ta direction. C'est pas de me laver que je passerai à côté de mon île, si tu veux passer du bon temps, que t'es tombé en plein ennui. T'as fini par écouter tous les madelinos de ce monde qui t'ont dit de venir les visiter. C'est pas de me laver que tu changeras de destination. Quand t'as mis un pied sur notre île, ton cœur a trouvé sa maison. Plongez sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Ah. It was a long day, now the day is done. Now we're walking, slowly walking home. Hold me gently while you speak your mind. Slowly walking, we should take our time. Oh, we tried and tried, and even though love let go of both of us, c'est fini. Et bien voilà, c'est ici que se termine la 261e émission de La Croisière Folk. Une émission qui a, depuis le début, voulu vous plaire et surtout voulu être une découverte. C'est pour ça que ça s'appelle La Croisière Folk. J'espère que vous avez découvert pas mal de choses et croyez-moi, vous allez encore en découvrir au cours des émissions prochaines. On va se quitter parce que malheureusement, bah oui, il faut se quitter. Carole Crittenden avec Rise. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas que nous avons une page Facebook où il y a plein de vidéos qui sont postées. La page Facebook s'appelle La Croisière Folk et puis pour nous écrire, pour simplement nous envoyer des bons vœux, des bisous, des joyeux anniversaires, lacroisièrefolk en un mot @yahoo.com. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai qu'elle le porte rarement. C'est dingue parce que j'ai l'impression que tous les deux, on va bien s'entendre. Célébrer la magie et l'authenticité du folk féminin grâce à La Croisière Folk. Today we cry, but tomorrow we rise. Today we cry. Back the pieces which seem scattered so. For kindness to matter, not misplaced righteousness. For yes, all lives matter, though some not enough. So we rise. Choice alone. For families in fear of ripped away dreams. For those standing boldly by rocks and by streams. Oh, we rise. Tomorrow.